Revoir ce film m'a propulsé près de 20 ans en arrière lorsque je l'avais découvert. Le mot exact serait d'ailleurs plutôt reçu. Reçu en pleine gueule même. Ce film a été un uppercut. À l'époque, je ne connaissais pas le cinéma de Hong Kong et son rythme effréné. Alors cette pellicule japonaise folle, sorte d'hybride stéroïdé entre Sam Raimi et Sushi Typhoon, m'a forcément fait un effet boeuf. On y retrouve tout ce que j'aime. Gunfight, combat au sable, zombies dégueux. Les SFX sont gore à souhait, ne lésinant pas sur l'hémoglobine et la tripaille. Les combats très dynamiques et tac, Sakaguchi, frime à mort en mode badass. J'avais fini le film complètement lessivé. Bon, sans doute que les bières et la partie de jeu de rôle de la nuit précédente n'étaient pas étrangers à cet état. Par contre, à ce nouveau visionnage, je n'ai pas été aussi rincé. Ok, The Raid est passé par là, mais Versus a quand même de gros problèmes de rythme. Ce qui passe pour un gosse sans culture trop importante ne passe plus aussi bien maintenant, voire me saute aux yeux. Dernier point négatif, entre guillemets, le scénario est absurdement pété. Déjà, zombies, yakuza, c'était bien, mais rajouter pseudo-vampire, réincarnation, chambara et post-apo, c'est un petit peu lourd à digérer.